Je te loue pour ta bonté, je t'adore pour te bienfaits. Tu m'as raison de vivre, Seigneur. En toi je me sens plus bien. Jésus mon rédempteur, sans toi je ne suis rien. Je te loue pour ta bonté, Seigneur. Je t'adore pour te bienfaits. Ma vie, mon être, j'offre pour ta gloire. Au temps de la détresse, Jésus, mon seul espoir. En toi, je trouve l'allégresse. Je veux t'adorer dans ma vie. Seigneur, je veux t'élouer, je veux t'exalter, t'élever, te célébrer. Je veux l'Éternel est bon et digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Il m'a donné la paix, la joie et le salut. L'Éternel est grand. Il domine pour toujours. C'est ça ma priorité. Il était, il est, il sera à jamais. Il règne à toujours dans ma vie. Moi je veux t'adorer, je veux t'élouer, je veux t'aimer. Tu es une de mes louanges, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je veux t'adorer. dans mes affaires, je t'ai.